Le morceau s'appelle Validé à l'instant. Yes. Sur ce morceau, on retrouve Ritza, Axel Tony, et c'est sur le projet évidemment Paris, Oran, New York. 2015, 20h pile sur Skyrock. On va donc saluer, on l'a dit il y a quelques minutes, Ice MC qui est là avec nous. C'est ça. Le XV Barbare aussi. Yes. Aïe, aïe, aïe. Triangle d'or. Le triangle d'or, le 17ème évidemment, XV Barbare avec nous. Entre 20 et 21, un petit mot Ice et un petit mot de ta part DJ K sur Ice et sur le XV Barbare. Pourquoi est-ce que tu as voulu qu'il soit présent sur le projet? Bah en fait déjà l'année dernière, comme il y avait par New York de l'année dernière, il devait y être, mais faute de temps ça s'est pas fait. Et du coup on n'a pas lâché, on s'est revus, on a dit faut vraiment qu'on fasse un truc. Et moi ce qui est l'originalité aussi de Paris en New York, c'est de ramener les artistes sur lesquels ils n'ont pas lâché l'habitude de poser. C'est vrai que le challenge, oui c'est ça, même c'est ça notamment aussi, pour XV Barbare aussi. Mais ils font l'effort et puis en même temps c'est l'été et puis comme quoi ils sont pas si fermés que ça, ils peuvent poser sur n'importe quoi. Et nous on a des idées reçues, on se dit que les rappeurs la trappe où ils sont fermés sur, non pas du tout, il y a des fois les mecs ils ont envie de kiffer l'été, piscine, plage, voiture. C'est compliqué justement sur la sélection des sons là-dessus, c'est par exemple quand tu veux bosser avec le XV Barbare, t'as déjà une idée en tête de là où tu veux les emmener ou... Ouais, en fait, moi j'avais, je crois, 3-4 instrus, c'est comme ça que ça s'est passé, on avait écouté, et puis vu qu'ils sont plusieurs dans le groupe, moi j'aime pas, jusqu'à qu'on arrive à un... Mais ça restait un peu funky, très summer. Vous aussi, un petit mot là-dessus sur cette collaboration avec Case? Ah, ça s'est super bien passé, c'est vrai. Un peu en impro, mais tout le monde a kiffé, tout le monde a kiffé, même ça a été un bon retour, tu vois, sur ce son. Donc il n'y a pas de limite pour vous, quoi, voilà, non, si les sons sont bons... Voilà, les textes ils suivent, ils restent dans leur ils restent dans leur univers. Ouais, c'est ça, c'est pas un changement complet d'univers. Non, voilà, quoi. Ils vont pas parler de des bisounours, ça reste voilà, et ça prouve que le triangle d'or peut rester éclectique dans son impossible. Oh, le fond ça reste le même, c'est la forme qui change au final avec l'instru plus funky comme il disait. Voilà. Mais c'est une sélection qu'on pourra retrouver là dans un instant. Bien sûr. Tu vas aller au platine. Yes. Toi, Ice, c'est ce que je disais, c'est ce qu'on disait avec Kay. C'est vrai qu'il y a eu, il y a eu un moment où il a fallu aller bosser sur l'album. Donc, ça a été quoi? Ça a été enfermé vraiment que sur l'album? Enfermé que sur l'album, en studio comme un dingue. Voilà, justement, essayer de me renouveler, à trouver de nouvelles techniques, des nouvelles techniques d'écriture, des prods, justement, qui sont un peu plus farfelus. Trouver comment progresser dans ma musique, vraiment réellement progresser. Et aujourd'hui voilà, je suis vraiment épanoui dans ma musique. Et le 4 septembre c'est vraiment mon premier album, c'est pas une mixtape qui va sortir, c'est vraiment mon premier album qui s'appelle L'Or des Rois. Et voilà, je suis vraiment très content de cet album. Bon, il y aura quoi dans le premier extrait qui va pas tarder là? Tu vas en balancer quelques-uns ou... Ah ouais, on va en balancer quelques-uns là. Ça arrive. Et ça arrive. avant le 4 septembre. Exactement. Pour les locaux, les locaux. Yes. Est-ce que tu n'irais pas un petit peu nous ambiancer au platine maintenant? Ah ouais. Avec quoi? Avec des sons de Ice MC, du XV Barbare? C'est ça? Et bah c'est parti, DJ Case avec nous entre 20 et 21 dans le Planet Rap. Et le projet Paris Oran New York qui est sorti, c'était le 15 juin dernier, pardon. Prêt? C'est parti. Pas j'investis dans le bédo. Accélération, crochet, petit pont à la Eto. Centre de mes ciseaux de la part de LESO. Hey, ça vient tout droit de PSO. Tu veux même pas te retourner, savoir qui te baisse. Oh là, j'ai ta mère la pute en texto. Elle me demande si dans mes pattes je veux du pesto. Poto, là faut te lever tôt. Si tu veux monter haut, si tu veux pas la pâme et le gâteau. Hey, chaque jour je refais. La tchakta est mise au frais. Les stupes me suivent, cette pute me suit tout simplement parce que je suis plein. Comme Joe Pesci. Bocomico, ces poulettes soient bon appétit. Bon appétit. Oui. J'suis dans la zine cuit, je taffe le crack. Oui. Pendant que ta bitch, elle tire sur la tête de Jack. J'ai les couilles vides, mais le chargeur est plein. 9 mêlés, 6,35. Il en reste un. Des fois, j'me sape en Philippe plein. Louis V, Gucci, ma garde rabais plein. Chaque jour que je fais faire, plus de love et grave et faux. Chaque jour que je fais faire, plus de love et grave et faux. Chaque jour que je fais, chaque jour que je fais, maintenant, tout à clic en retrait. Quand je te parle de billets verts, si tu fumes de l'amener, j'étais pas plus. c'est les gens nous soutiennent. Des allers-retours entre le bendo, les showcases et les kens. Vendu du gras ou de la CC, laisse tomber, c'est trop demandé. C'est les drogues les mieux payées, donc aïe aïe aïe, ne les renier. Hey gros, l'oseille, l'oseille, je pense qu'à l'oseille, moi. Nique sa mère le sommeil, je pense qu'à ma paye, différent à jeun. Silencieux, pas trop bavard, sortez la taille, y'a mon gava. Soir ce, c'est la Java. Rien à faire, j't'éclame à Jet. Au corner, y'a l'IS en cachette. J'suis chez tonton à la Jonquière, le moins cher du schéma, on achète. Il fait barbarie, le feu dans tout Paris. Si, si, y'a l'Ori, c'est Paris. Solo, Casio, Ferrari. Chaque jour que je fais faire, plus de love et la veille faux. Ici, chaque jour que je fais faire, plus de love et la veille faux. Chaque jour que je fais, chaque jour que je fais. Aïe aïe aïe, il fait barbarie. Ice LMC, yeah. Allez, allez. Mon big ok, on va poser comme il se doit. Allez, roh tahti, Paris ou New York. Allez, Ice LMC. Allez, MC électrique. Justin Records. J'arrive dans Club Beach, happy birthday. 1, 2, 3, 4, day de rosé. Les lèvres de Maloka ont un goût de fraise. Elle est prête à twerker toute la nuit pour mon oseille. J'ai la folie des grandeurs, je suis VIP. Je suis fou de ses rondeurs, je l'arrose au champagne. Je mets le fire sur la gasoline à papy, c'est sûr qu'il sortira le plus de bouteilles. Je m'exprime pas, mon regard en dit long. Je me demande ce que tu fous dans ma soirée. Fais la belle, moi j'ai le bras assez long. Gifle tes fesses depuis mon carré. Une entrée me dit, me vient dans la tête. Et je ne peux m'arrêter de danser mon bico, j'en oublie les blessures. Ma présence te rassure, bien sûr que j'assure. Je suis sur la côte en bête et assure. J'oublie pas mes racines. Racine. Un jeu de drapeau facile. Facile. J'attends facile. Pas que le bonheur me fascine. Mon parcours les fascine. J'oublie pas mes racines. Algérien, j'ai le drapeau facile. Facile. Et j'ai jamais raté ma cible. Bitch, triangle de assassine. Faut que je le fasse pour mes locaux. Faut que je le fasse pour mes locaux. Faut que je le fasse pour mes locaux. Faut que je le fasse pour mes locaux. Faut que je le fasse pour mes locaux. Faut que je le fasse pour mes locaux. Faut que je le fasse pour mes locaux. Pour mes locaux. Pour mes locaux. Faut que je le fasse pour mes locaux. Pour mes locaux. Pour mes locaux. Paris ou New York. Je le fasse pour mes locaux. Pour mes locaux. Pour mes locaux. Mets du bruit dans la musique. Baby crame dans le coupé. Si je te demande ça, c'est que je t'estime bien. Je suis toujours occupé. C'est mon côté palestinien. 100 000 watts dans les oreilles. Je suis des pernes en McLaren. Je suis entre 4 pétailles foreign. Tu portes encore du Ralph Lauren. Algérien, j'ai le drapeau facile. C'est une femme flic, je mets pas de vaseline. Je les vois défoncer ma porte au bélier depuis l'œillet de la voisine. Je les laisse lancer des rumeurs. Je laisse de ruinards dans l'urinoir. Tiens, tiens, de la fourrure de renard. Je pose des questions à mon miroir. Ouh, tout le monde est high. Aïe aïe aïe. Ouh, aïe aïe aïe. Tout le monde est high. Tout le monde est high. Tout le monde est high. Ouh, tout le monde est high. Aïe aïe aïe. Au rang de New York. Aïe aïe aïe. Au rang de New York. Tout le monde est high. Aïe aïe aïe. Au rang de New York. Aïe aïe aïe. Au rang de New York. La route la famille, volte-face. Aïe aïe aïe, volte-face. C'est barbare, pisse pas bris squat. Volte-face, volte-face. Ici, jamais sans la famille. Jamais sans les photos. On est plus que des amis. Toute la night. Jamais sans la famille. Jamais sans les photos. On est plus que des amis. Amis, amis. On a Ribatis dans la caisse. La caisse, les casins et l'artiste. Ce soir c'est mort, on fait la fête. Et mort, vas-y doucement sur la tise. Ce soir je t'aime mon oseille. Soir ce, on fait croquer les frères. Ouais, j'ai des groupies qui nous repèrent. Normal, c'est pas ce qu'on a, c'est ce qu'on préfère. J'ai des fans qui prennent des photos. Vas-y, t'attends de la séance. Trop tôt, laisse-moi profiter de ta soirée. J'perds partie de je me casse en moto. Ouais, on va tous te choquer. J'sais même pas si mes potes sont bloqués. Tous les numéros sont notés. Paris, jamais sans la famille. Jamais sans mes photos. Au refrain, on est plus que des amis. DJ Kane, Skyrock, jamais sans la famille. Paris, Oran, New York, on est plus que des amis. C'est le feu, on a gagné le meilleur pari au poker. Ce soir c'est nous sur la piste, on arrive avec un petit pas de mono. Et nos doigts sont pleins, pleins, pleins, s'il te plaît n'aie pas la haine. Pourquoi tu la ramènes? T'es pas content, c'est la même, même, même. La même. Non, non, non, on reste soudés, non, non, non. Tu peux pas tester, je ne suis jamais sans eux. Ils ne sont jamais sans moi. Jamais sans la famille. Jamais sans les photos. Jamais. On est plus que des amis. Plus. Toute la night. Jamais sans la famille. Si, si. Jamais sans les photos. On est plus que des amis. Plus, plus, plus. Ouais, ouais. Paris, Oran, New York. Si, New York, New York. Si, si. Grand DJ, grand DJ. Aïe, aïe, aïe. DJ K. Paris, Oran, New York. Si, si. We got the thing. We got the funk, lady. Elle aime pas la funk, pour elle c'est pour les rebeux. Un peu sinistre, elle dit que la funk c'est pour les chichas. Je dis que c'est de la musique de Carlouche. Elle me dit que c'est de la musique de Babouche. Damn, je dis qu'elle abuse. Que cool aime the gang, c'est pas des Marocains. Bang, bang, bang. Et quand elle danse, elle fait des pas de dingue. Ouais, ouais, ouais. Elle est hot, she got a thing. Jissi, quand elle danse, elle fait des pas de dingue. Elle est hot, she got a thing. Elle dit qu'elle aime pas la funk. Est-ce qu'elle dit, hein? Pourtant elle danse comme personne. Comme personne, personne. DJ Kays au platine. Elle aime pas la funk. Lourdeur 2015. Elle est en folle sur George Benson. Bitch, une plage et building. She got the thing. She got the thing. She got the thing. She got the thing. L'a envoyé. Elle aime pas la funk. Pour elle, c'est pour les anciens. Moi, je lui dis que comme dans tout, y'a du bien. Elle déteste le Mia. Pour elle, la funk, c'est pour Karima, Nabila. Elle, elle s'appelle Ind. Elle aime pas la funk. Pourtant, she got the thing. Elle y connaît rien. Pour elle, Gap, c'est un magasin de fringues. Et quand elle danse, elle a des pas de dingue. Elle a le feeling, she got the thing. Oui, quand elle danse, elle a des pas de dingue. Elle a le feeling, she got the thing. Elle aime pas la funk. Pourtant elle danse comme elle. Elle dit qu'elle aime pas la funk. La meilleure de compil. Elle dit le meilleur album de l'été 2015. DJ K. Pourtant elle danse comme personne. Elle dit qu'elle aime pas la fleur. Paris, Warren, NYC. Tout est bon, tout est bon. She got the thing. She got the thing. She got the thing. She got the thing. She got the thing. She got the thing. DJ DJ Kays, Paris, Oran, New York. Lourdeur soleil. Paris, Oran, New York à l'instant avec justement un bel aperçu du projet. Je voulais pas m'arrêter là. Ouais, j'ai vu que t'étais parti. Énorme. J'ai l'impression de vivre un rail suprême. D'ailleurs, notez bien, rail suprême dimanche soir aussi, à pas louper. XMC qui est passé il y a pas très longtemps d'ailleurs. Ouais, sur rail suprême, gros freestyle, grosse performance. Avec un freestyle totalement inédit, terrible. Lourd. Et on a pu retrouver. Ils ont fait ça bien là. Bah ouais, on a pu retrouver d'ailleurs sur les morceaux, le morceau d'Ice MC, le morceau d'XV Barbar. Et Volteface. Et Volteface aussi avec l'artiste Eddie Ezzel. C'est ça. Ça, c'est le triangle d'or, mon pote. C'est Trafalgar aussi. C'est le triangle d'or avec XV Barbar ce soir, avec Ice MC dans le studio. Grosse dédicace au 17ème de Saint-Ouen. Particulièrement. Connais bien, t'inquiète. Libéré, Bloca. On salue en effet tout le 17ème. Ouais. Un très bel arrondissement de Paris. Très bon arrondissement. Bendé, les Bloca. Bendé, le mec du 17. Ouais, le Heck en cellule Hex. 15. Ouais, Papson. Bloca, Vegas. En même temps, c'est vrai qu'on va avoir une Edemba. Renard. On dédicace tous les Hex. Edemba. Je t'ai pas oublié, on fait rien. Tenez bon, les gars, on est ensemble. Avec la chaleur en ce moment, ça doit être sérieux. Renard, on va si vous voulez. Donc, si on peut apporter un petit peu de divertissement entre 20 et 21, on a une pensée pour vous tous à l'écoute de ce Planet Rap spécial consacré à Paris, Oran, New York. On va revenir dans un instant, il y aura un freestyle aussi avec vous, messieurs, si vous êtes chaud. Ouais, nous on est chaud. Ah, toujours, t'as reste encore quelques textes. Sûrement un petit freestyle, ouais, bien sûr. Après l'album, je suppose que là tu dois sortir un petit peu de tout ça, donc. Ouais, exactement. Il y a encore quelques cartouches. Bien sûr. Qui traîne ? Ah, des cartouches, il y en a, t'inquiète. XV Barbar, qu'est-ce qui va se passer aussi pour vous ? Il y a d'autres sorties, parce que là, on le disait, il y a toujours les projets qui sont dispo. Ouais, là, on est sur notre premier album, premier projet. Dans les bacs, là, on est en train de préparer ça. Ce sera quoi, 2016 plutôt ? Fin 2015 ? Fin 2015. Début 2016 maximum. Pour l'instant, on fait le premier projet. Et on va voir. Mais je pense que ça va être vraiment très, très, très, très lourd. Ouais, voilà. Si, ben, si. C'est la blague des. ne bougez pas, on revient dans un instant. Le planète rap, Paris, Oran, New York. Avec DJ K, c'est juste après ça le retour. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit DJ Case pendant une heure complète ce soir. Planète Rap DJ Case. DJ Case pour Paris, Oran, New York. Avec XV Barbar, avec Ice Lemsy qui est avec nous ce soir. Isno est en ambiance aussi. Il ramène tous de l'énergie. Isno 45G. Isno 45G, merci. Quand même, il faut préciser. C'est gentil. On va repartir sur un morceau avant de passer au freestyle dans quelques minutes. C'est un morceau qui est signé par qui, Case ? Donc le titre c'est Weekend. DJ Case avec Jarod et Diesel. Jarod, Diesel et DJ Case, ça donne ça maintenant sur le projet Paris, Oran, New York. Mon gars va laisse-moi kiffer. DJ Case, laisse-moi kiffer. Diesel, Jarod. Il faut qu'on s'arrache, mon poteau, faut qu'on se tire de là. Ouais, on n'est pas des lâches. Mais là sérieux, y'a trop de choses qui me lassent. Faudrait que tu t'effaces, moi j'attends simplement que la semaine passe. Après je me casse, après je m'échappe avec mes liasses de billets verts. Virée nocturne sur Amsterdam. T'es parti sur Justin Ricard, Paris Oran New York. Le lourd du salement propre. Le single à fond dans la caisse. Ça se tape et ça tire des barres. Les rages sont tout loin derrière. Laisse tomber, mon poteau, laisse-moi kiffer. On fait le contraire quand il s'agit de code. Toute la semaine, on cherche du week-end. J'tourne la night, j'suis avec mes potes. On roule en grosse caisse, on sort le week-end. Mon gars, laisse tomber. On vous a pas menti. Pour cet été, c'est cet album qu'il faut avoir. DJ Case, Paris, Oran, New York. Allons-y. Pour dame, Barça ou Marrakech avec deux potes ou une dame. J'prends la haine en deux secondes si tu niques ma vibe. Pour l'instant, y'a pas de blême, mais les watts ça ride. Mon gars va ralentir un peu. Bonsoir les filles, ta 500 est top, mais y'a plus de place dans le 4x4. Tu connais les bails, faut qu'on démarre d'ici. On décolle maintenant, j'te prends un que tricher le pack. Pack, ah ouais, tu fais ce qu'il a de boire de l'alcool. Chérie, j'suis désolé, mais ta copine c'est une conne. On se casse, démarre, sort le club, le œuf, les masses là-bas. Bon, on fait qu'il a given, on est foncé, mais on est hâte. On fait le contraire quand il s'agit de potes. Toute la semaine on cherche du week-end. J'tourne la night, j'suis avec mes potes. On roule en grosse caisse, on sort le week-end. Mon gars va laisse tomber. Dès qu'on a fait un peu de thunes, on se passe le week-end. On se tape, on style le week-end. Mon gars va laisse tomber. Laisse tomber. Laisse-moi kiffer. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse-moi kiffer. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse-moi kiffer. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Mon gars va laisse tomber. Laisse tomber. Mon gars va laisse-moi kiffer. On fait le contraire quand il s'agit de code. Toute la semaine on cherche le week-end. J'tourne la night, j'suis avec mes potes. On roule en grosse caisse, on sort le week-end. Mon gars va laisse tomber. Dès qu'on a fait un peu de thune, on se passe le week-end. On stop, on style le week-end. Mon gars va laisse tomber. On fait le contraire quand il s'agit de code. Toute la semaine on cherche le week-end. J'tourne la night, j'suis avec mes potes. On roule en grosse caisse, on sort le week-end. Mon gars va laisse tomber. Dès qu'on a fait un peu de thune, on se passe le week-end. Laisse tomber. Laisse-moi kiffer. Jarod, Diesel, Paris, Oran, New York. Mon gars va laisse-moi kiffer. Le morceau s'appelle Weekend, il est sur Paris, Oran, New York avec DJ Case. Yes. Notre invité toute la semaine entre 20 et 21 Planète Rap d'ici quelques minutes live freestyle avec XV Barbar, avec Ice LMC au micro. Ils sont chauds là. Yeah. Ouais, j'ai l'impression. Tiens, juste avant, on retrouve. Bah tiens, quelqu'un du 17ème. Nadir, allô. Nadir, allô. Paris 17ème. Ouais, Nadir. Ouais. Bon bah, tu... Donc là, j'ai un petit freestyle là. Et bah, tu connais tout le monde alors. Tu connais le XV Barbar, tu connais ouais, XMC. J'ai déjà vu à DK. Ah, c'est Nadir. Ah, c'est un prénom. Ouais, c'est quel Nadir là? Ouais, ça va, tranquille. C'est qui? C'est quel Nadir? Ouais, Nadir. Parents, il est parents. Ouais, ouais. Qui, Nadir qui? Bon, laissez le rapper, les gars. Ouais, on va l'écouter rapper, peut-être qu'il va nous le dire. Si, envoie ton couplet, mon frère. Allez, c'est parti, session free. C'est quoi, okay. Acapella en plus, Nadir hein. Ok, je peux commencer? Vas-y, quand tu veux, c'est parti. C'est le frère à Saint-Bernard, je crois. Ok. Beaucoup se prosternent devant Dieu, mais n'y croient pas. Beaucoup de personnes te disent je t'aime, mais ne le pensent pas. Si j'écris ce texte pour dénoncer la société, aussi fausse que les Mayas, qu'une certaine Nabila. Les gens te crachent dessus après les avoir aidés. Ne t'étonne pas après avoir parlé d'être le dernier. Cette vie ne m'assure plus confiance, cette vie n'est plus rassurante. Elle me donne envie de tout quitter, d'être discret. Quand on sait que beaucoup de personnes croient au sujet. Rien n'est fait par hasard, tout était contrôlé. Depuis notre plus jeune âge, on se fait manipuler. Les passagers avaient sont là pour nous chercher. Demande-toi si tu es, le temps passe et le temps passe. Il n'y a plus de vérité, de plus légère dans ce bas monde. Ah putain, merde, j'ai buté. Ah, c'est pas grave, ah ouais, reprends, ouais, reprends, t'inquiète. Non mais là, parce que j'ai un petit truc sur ça. Ah, bah écoute, Est-ce que je peux reprendre depuis le début? Tu veux reprendre depuis le début, allez, vas-y. Ouais, je vais reprendre depuis le début, là, je fais un meilleur truc, là. Ah, on est reparti. Ok. Beaucoup se prosternent devant Dieu, mais n'y croient pas. Beaucoup de personnes te disent je t'aime, mais ne le pensent pas. Si j'écris ce texte pour dénoncer la société, aussi fausse que les Mayas, qu'une certaine Nabila. Les gens te crachent dessus après les avoir aidés. Ne t'étonne pas après avoir parlé d'être le dernier. Cette vie ne m'inspire plus confiance, cette vie n'est plus rassurante. Elle me donne envie de tout quitter, d'être discret. Quand on sait que beaucoup de personnes croient aux clichés. Rien n'est fait par hasard, tout est contrôlé. Depuis notre plus jeune âge, on se fait manipuler. Les keufs âgés AV sont là pour nous faire chier. Demande-toi qui tu es, le temps passe et le temps passe. Il n'y a plus de vérité depuis légère dans ce bas monde. N'espère plus prospérité, n'espère plus convaincre du monde. Quand on sait qu'en 2015, on accepte des mariages du monde. Voilà. Ok, Nadir. Beau discours, c'est Nadir. C'est bien. De la forme. Il y a un petit message, c'est bien. Mais il faut faire sur un instru la prochaine fois. La prochaine fois, tu viendras rapper avec Nesco, Nadir. Ah merci, c'est gentil. J'avais pas pensé à une instru, mais bon. Nadir. Mais la prochaine fois, Nadir, tranquille. Donc voilà, je veux dire une petite dédicace au 17ème pour Daniel. Dédicace à tout le 17. Chaque fois, XB Barba, j'ai l'impression qu'ils connaissent tout le monde quand on vient du 17ème. Dédicace à tout le 17. Merci à toi, Nadir. On est ensemble. Passe une bonne soirée. Case, on attaque. Ouais. Vous êtes prêts, les gars? Ouais. Nice. Yeah, on est prêts, toujours prêts. De frais. Tu crois que le triangle dort, mais le triangle dure? Aïe. Yeah, c'est XV Barbar. XV Barbar, bad boy. Triangle d'or. Aïe. Yeah. Trafalgar aussi. Hein. Yeah. Volteface. Ouais, Grognax. Yeah. Lily. Sur le corner. Sur le corner. Arcona, la roue, Kams. Aïe. 4 septembre. Ouais, 4 septembre, bitch. BH. Je sors en foyer du parking. On a voulu briser mon rêve et celui de l'Etherking. À côté de mes petits gars des tartines. J'peux te pull up si tu veux faire la guerre à mon quartier. Je t'avertis sans la patate, tu vas peut-être me voir. Fais gaffe à ton cubico, je crains de ne pas te revoir. Dans ce pays dont le parent soit le patrimoine, on dirait que ça les dérange que ma daronne porte le voile. Peu importe que loin t'es avec ou contre moi. Tu me regarderas si j'arrête le rap à doigt. T'es capable de tout niquer, petit, montre-moi. Montre-moi, j'attends, vas-y, petit, montre-moi. Torse le magnum de champagne sur un deux. Mélancolique à mes heures de nostalgie. Pique quand je respire le hood. Les anciens te diront qu'ils font supprimer pas. Ils veulent me barrer la route, un concept en met le pas. Que pas, ça te suffit pas. Que papa, il se débarbe, mets ton parapas. Agis par le bas, j'arrive par le bas. Mais si tu me vois venir, c'est sûrement pour fermer le bal. J'ai pris le mic, go, tu peux m'appeler Tyson. T'en veux ça qui déconne? Aïe, refais. Personne? Yeah. Wesh, S. ADK. Le buteur Copolos. Si. Yeah. 1. ADK. Animalier, TDO. 1. Animalier. Sur le corner, bourbier, le malier. Vanny blend dans la planque avec mes alliés. Je vois que tous les bars mélangés sont gliés. Surtout le maire, les brigadiers. Ouais, la deux mères qui part au dos quartier. Passe les vitesses du R1, sésame, ouvre-toi dans ton gros cul souterrain. Salope, c'est comme, dis-moi qui te la fournit. Yeah. Tu mesures à peine la même iota qu'une fourmi. Coup de ta spécialité compétente. Quand le chat se fait grailler par un pute, c'est le rat qui danse. Ok, le roi des crackers. Si. C'est le rat qui danse. Les anciens te diront qu'il faut supprimer pas. Ils veulent me barrer la route à cause c'est t'en mets le patch. Que pas, ça te suffit patch. Que pas, ils se débarrent pas. Mets ton pare-balles, agis par le pas, j'arrive par le bas. Petit si tu vas venir, c'est sûrement pour fermer le bal. Là j'ai pris le mic, go, tu peux m'appeler Tyson. Quelques mesures et voilà ton fossé qui déconne. Suffit d'un index et d'un smith et Wesson pour que je te gonne. De la carte sans dire à personne, escroc, c'est la rue. Voilà que déchets la moelle humaine ne me fait pas peur. Y'a pas de mystère, ego, ça vient de l'année. Tu vas mordre la poussière même si t'as pas du balai. Allez, là tu vas cavaler. Bada bitch, là tu vas avaler. La distance sera salée. La distance sera salée. Dans le game, my la gueule sera salée. La distance sera salée. Nique la mère de la maladie derrière ses ancêtres. Déçu des maisons disques et relations financières. De toute façon, j'ai que mon frère, je me torse avec la sincérité, plein d'intérêt. La musique, une poignée de main créancière. Si je te sers la marateur, je vais recompter mes droits. Je connais tous mes droits, rappeurs, tu connais tous les bois. J'ai forgé mon talent sur des mélodies très anciennes. Euphémisme, mélaconisme, latin se mélange à ma voix. Puis quand je vois ce qui est devenu le peur, je pisse la rage. Si ça papa veut prendre ma part du gâteau. Trop souffert dans la rue pour pas t'enculer ta race. Pareil, tu restes des murs en passant dans mon ghetto. Ça fait longtemps que j'attends mon heure, demandant gros damso. Ils mettent tellement de gros codeurs en direct qu'ils font damso. Je grimpe l'arbre de l'âme brute, un espèce d'homme singe. Et j'irai de l'Algérie, pareil sur les dorsaux. Espèce de sale grosse pute, tu mouilles pendant la fouille. Moi, je roule un gros joint de bœuf. On est hardcore dans la débrouille. Sur leur dépouille, est-ce que tu me rejoins rebeu? Je suis avec mes bad boys, tous mes mauvais garçons. Je sors tes 22, je m'en fous de ce que tu penses. Fais ta attention, sale pute, là je te fais 22. Et tu danses. Y'a mon gars la bruche avant de te toucher. Et y'a ma grosse bite avant de te coucher. Sa mère elle incine et sa mère l'uniforme. Je baisse toutes les fonctionnaires de la route coucher. Tu fasses attention, je te le répète. J'ai ma grosse queue dans le cul de la bague. Pour 2-3 pépettes, très mauvaise attention. J'ai pas seulement putain les gros pousses ta bague. Gros, on vise pas les allocations. Grosse frappe sans sommation. Y'a plus de 200 dans l'allocation. J'augmente la consommation d'essence. Quitte à ce qu'il en reste un. Garde depuis ma naissance. C'est ça mon destin. Je raille le festin. Je compte les baiser tous avec aisance. Je les baiserai tous avec aisance. Et juste après, j'implore le pardon. Ils soucient tous de ma présence. Si pour ils m'empêcheraient tous de faire un carton. Comme la voiture banalisée. Donc j'ai la ce fort canalisé. À la son Goku. Et l'eau aussi sont beaucoup. Y'a la scu pour les paralyser. Si si. Pose pas de questions, mets ton cavi sur la canne. Je passe comme un Philippe en train de vide de boss. Laisse pas d'espace de temps malgré les équations d'Albert. Hausse la misère, le temps fait tomber tous les masques. S de ma volubilité, qu'en est leur foutu bassesse. Ice, interpellé pour un délit de faciès. Barbara Napoli dans la pyramide ou l'iceberg. Barbara Napoli, j'ai le mili dans le holster. Drive by en bolide, c'est qu'on nous paye au lance-pierre. Ice, algérienne gangster. Cristiano durable, des millions d'euros de transfert. Snitch, t'as rien à faire dans le four. Tu deviens trop lourd, je te jette de la montgolfière. Quelques américaines express dans le larfaille. Si tu se pars pour aller braquer leur fer. Pisse pas. Tu te crois bourbier, je te place des clinches. Comme Jack Mess, moi l'instru, je la lis. Je la lis. C'est ma soie et tout le monde m'accuse, mais moi j'accuse pas seulement les assises. Les assises. C'est bavard, je n'ai perdu pas de temps. Une balle logée dans ton crâne et c'est merde que j'attire. Attire. Sale pute, sale pute, cette pute kiffe trop. Rien qu'à l'assise. Tu crois bourbier, je te place des clinches. Tu te crois bourbier, je te place des clinches. Pisse pas. Tu crois bourbier, je te place des clinches. Pisse pas. Bang. Je crible ta tombe de cartouche. Touche de balle, c'est comme ça que j'écris mes lettres. Oui. On m'a dit barbare, tu es un homme bon. Mais je ne savais pas que je devais l'être. Moi je suis seul, tout vous êtes deux. Mais cramé comme une paire de TNF. Je sais que vous savez qu'il y a du buzz, pas besoin de forcer les mecs. Le Mali est, si tu me vois devant ton putain de palier. Les Mali est, Poucaf, tu ne peux plus nier. Tu te manges des pressions, rodard, t'as l'estomac noué. J'attends le plan grand et je vais bronzer sous les palmiers. J'attends le plan grand et je vais bronzer sous les palmiers. Ok, palmiers. Faut qu'être mes cras, je reste dans ma bulle. Le pilon est grave, faut pas que le couteau brûle. Ah. Aussitôt les ordres rédigés, tous les travaux sont érigés. Ah. Je serai à tes érigés, obligé de calacher tous ces lâches pour tout dire. T'as croisé les wads, j'ai croisé les keufs. Te souviens-tu de Wad? Mets-toi devant le miroir, j'fais un sort de ma tête. Direction PSO, faut que change le big aux ES. Fais un tabac, tu ramasses des mégots. Non, j'suis pas docteur vrai, mais j'peux guérir ton flow. Fuck ta médaille, que des combats à huis clos. Pute. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Jackie Mess. Jack Mess. Thanks. Dealer, mon gars, Jack Mess. On est parti. Jackie. Ah. Ouais, ouais, ouais. Jackie. Si, si. L'oseille. En direct de Sky, l'oseille. Aïe. Ah. Je serre la taupe, un meilleur clé. Gros, je l'aimais bien. Je suis de la coupe, poteau. Je vais rentrer, que t'es des billets de vin. Si, si. Ok. Ah. Ok. Ah. Je serre la taupe, un meilleur clé. Gros, je l'aimais bien. Je suis de la coque, je ne fais rentrer que des billets de vin. Je suis Jack Mess. Je t'encule ta mère et je passe des remparts. Salut, tu me vois, je te. Je suis dans le soir, je suis dans le soir. Poto, reprends. Allez, technique là, frère. Aïe. Ok, je suis dans le soir. Je suis dans le soir, yeah. Ah. Ah. T'es le roi des crackers. Ah, j'avoue, l'instru. Hein. Change l'instru. Vas-y, calme. On fait avec. Hein. Vas-y, Jack Mess, reprends ton couplet. Histoire d'envoyer. Allez, là. Allez, c'est fini l'échauffement. Un, triangle doré. Deux frais, Skyrock, si. Aïe. Pour toute l'équipe là qui nous soutiennent, les barbares. Ice LMC, Volteface, Trafalgar, Grognax. Si, je pète un Grognax. Je suis dans la planque, je fume un blunt, mon gars pisse pas. Et là, mon gars, si. The S. Lion. C'est le roi des crackers. On va prendre ta galette. T'as pas trouvé la fève, enfoiré. Si. Attends que je la refais. Animalier. Elle me transporte loin de la surface terrestre. Trouve un job, la réalité enterre tes rêves. Ma discipline est un empire où la fierté règne. J'ai les kicks tous depuis ma première perte TN. Je sais qui va célébrer mes funérailles et qui va défourailler si je perds un partenaire. Monde de poucave de merde, j'en boucane vos mères. Je fais des milliers d'euros feuilles stylo carte mère. T'as bon porté la ligne, j'ai la baraka bitch. Make it train, voilà Panama bitch. Dans un état second comme Lil Wayne à Palm bitch, bitch, bitch, bitch, bitch. T'as bon porté la ligne, j'ai la baraka bitch. Make it train, voilà Panama bitch. Dans un état second comme Lil Wayne à Palm bitch, bitch, bitch, bitch, bitch. J'suis dans la planque, je fume un blunt. J'me tape comme le Terra Trunk. T'as pas de casier, fais pas le thug. T'as pas de casier, fais pas le thug. Petit charbonne sur ma puff. Sur scène, je bouge comme un punk. Loca, suce-moi, c'est la teuf. Du 7, 5, suis le sénateur. XV, bang, bang. XV, bang, bang. XV, bang, bang. A qui le tour? XV, bang, bang. XV, bang, bang. Ni mal, ni bang. Bang, bang. XV, barbarie. XV, barbarie. Dans l'Audi A3, pour ta machine. Toi t'imagines tes os dans mon tagine. Y'a le cheval de Troie, le talon d'Achille. On est tous faits d'argile, dont tous un peu fragiles. Trop méningé, refoulingé. Check mes barbares ne voudront pas te lâcher. Dans le rap emménagé, garde à vue renouvelable. Tenue vestimentaire camouflable. Apparemment je suis présumé coupable. Pénalisé tout part, je m'en bats les couilles cassées. Pas trop les couilles, je vois que tu mouilles ton vote qui gargouille. Garde en tache tête le vingé. Méga fils pas la lionne, vont se fâcher. Je baisse qui en a pas que dans le sachet. Dans la merde j'ai nagé. Fume un gros pète et quand passe le compète, le goudron arraché. T'es le roi des crackers, je vais prendre ta galette si t'as pas trop. La fête. Préparez vos serviettes, car il pleut des bastos, c'est les chronos, font la fête. Pute, pute, j'te pèse, je les rappe après, fais le tour de la navette. Pute, t'es frais sur la plaquette, t'es frais au la bavette. Pâle, comme j'arrive de vite. Moi, c'est DG, je gère tous mes jazz. À tous mes barbares, bientôt les élections, votez ES. Votez, votez. Injection sans modération, poisson alcoolisé en fin de fermentation. Tu donnes la pression, comme moi, jazz de ma part, tu te mets la pression. Poisson, tu te sors de présentation. Monde dans ma location, 17ème étage, je me présente en caleçon. Évaluation de tes capacités physiques, si t'es trop chien, pétasse, évacuation. J'prends en première personne du singulier quand j'explique ma version. ES, ES, pas tant de polémique et XV bébé lance ta sous comme section. XV bébé dans le game, my gun. On est venu tout niquer sur la tête de ma queue. Sky, si, chez nous la page DJK, si, Bye, voilà, New York. Gros, joue pas le rondo. Le rondo. En passant par casa, ma gueule, ouais. Comme elle est, comme elle est. Si tu me vois pas dans le bendo, dans le bendo. Gros, c'est que je suis sur le corner, sur le corner. Gros, tu fumes des trucs bizarres, des trucs chelous. La menace quand même dans le bizarre. Même dans le bizarre. Réti comme à Seymar, comme à Seymar. Moi j'te fais en vrai quand j'te démarre. Aïe aïe aïe. Suite présidentielle. Je vais tout guérir dans ce game. Spartiate. Dîner à la chandelle. Le sale pute c'est pas l'osé qui trempelle. C'est pas l'osé qui trempelle. Balle. A des cannibales. A des carabineurs. Vend le match les gras essais. Ouais tu vois c'est quoi les bails. Viré dans les Caraïbes. Ils sont givrés comme l'iceberg. On s'en méfie dans la quoi. Tu veux le fou mais y'a quoi. Y'a quoi. Tu veux me dire mon avenir. J'te visère dans mon avion. Moi je dirais y'a pas de quoi. Barre qui se multiplie par 10. Les armes ne sont pas factices, évidemment. H31 dans le square, obligé de faire avec dans ce monde rané gratis. Moi je sais pas si tu me vois. Je n'ai au sol la tueur foi, vitre teintée. La selle, pas mes nouveaux voix. Je vois que tous ces pecs qui nous voient sont le raté. Avec la puissance colonisatrice, high sa tête est mise à prix. Tu provoques l'idolâtrie. District, je voulais représenter ma misère, la déchéance, les frères en ont pris. Je voulais saisir ma chance au corner, j'avais peur de ne rien faire de ma vie. Je vais pas voir, j'ai laissé ma jeunesse à la rubic, au black, au blanc, qu'on reconnaisse. Cojones, des taureaux, train de virer au cambolesque. Un Algérien, trois pétailles, une arme de l'Est. Bang, bang. Il me suffit d'un zeste de génie, ce flow vient de Los Angeles. Ouais. C'est la MS-17 qui saisit tes tronlits, ton or et ta Rolex. Wesh le hack. Que la juge nous relaxe. Que mes picots renaissent. Trois balles dans ton thorax, torse nu sur tes max, t'as retourné ta veste. Que la juge nous relaxe. Que mes picots renaissent. Trois balles dans ton thorax, torse nu sur tes max, t'as retourné ta veste. Ils sont tous en liange, en plus de ça, leur salon fait donc tous enceintes. Plus que tes darons qu'ils aident dans le ou dans passe. Non, c'est affreux, non mais mince. Non mais mince. Je présente tous mes quinfs, Algérie, bien tu viens pour baiser cette teinte. Si ça pensait que t'étais une star chez les miens, on t'a dit que c'est la première partie, le temps qu'on se fiamme. Hey. J'ai de la c'est, j'ai de la paye, y'a les serres, la paye. Ouais, pas trop besoin de pote car je sais qu'au placard ils vont pas m'assumer. Hey, je suis seul, pulsem, une chope, une putain, une breu. Quoi, c'est district, vas-y là mon gros, c'est le XV2. Hey, j'aurai tous mes barbares, insta animal, la machine est lancée et c'est trop tard, on coupe comme des bâtards. Romula, spatule, la vraie tire ma cam, vient de Dakar. Cam vient de Dakar, si tu. Faut qu'il te barre. Lise fabricois, je vise des fonds la tête du moment que j'ai ma part. Dans le canal, il y a sûrement des corps qui vont ramener un frein. Bande de bâtards, moi je m'en fous du décor. Je suis venu pour la paye. Ici c'est fâcheux, peuvent te tirer dessus en te disant à la tienne. On vit en bicrave et on mange tous les jours de façon parisienne. Tu n'es pas en avance. Moi je l'ai pas en seconde. Je l'ai pas, je l'ai pas. Tu veux ta vengeance. Première classe, j'ai déjà passé la seconde. Ici, je saisis que tu saisis que je t'ai saisi, mais tu résistes. Pisse pas, pisse pas, pisse pas. La maison ne fait pas de crédit sur la résine, c'est pour ça que t'hésites. Squad, squad. Yeah. Aïe aïe aïe. XV, barbare squad. Squad. Triangle, triangle, triangle. Dark squad. Squad. Triangle, triangle, triangle. Dark squad. Squad. Triangle, triangle, triangle, triangle. Le rap game comme la féville. Yeah. Change d'instru, Case, ouais, mon sauce. Change d'instru, Mike. On va achever ça. Pas. En direct sur Skyrock, on est ensemble ce soir. Meloco, Meloca, France, Belgique, Suisse, Canada. Yeah, tout le Maghreb. Yeah. Aïe aïe aïe. Pony, pony. Demande à esprit, je fais des prix sur la S. J'ai du style même quand je les braque. Lorsque volte face vide la caisse, ma vérité roule à sens unique avec une pétaille de Budapest. Tout le monde marre, les ma chimique en fume la pièce. C'est la haine, c'est comme d'hab, la famille s'entasse au jeu de la pièce. Les ports appellent les renforts et directement vide la tête. Investi dans un henout au lieu de flamber dans un classe S. Businessman depuis l'époque où MB Aoub n'avait pas de tresse. Undo Stress, on sort le 9, 75 degrés Fahrenheit. Phare éteint sur le périph, triangle d'or sur la plaque paranoïaque. Moi j'ai la tête dure comme leur macaque. Je suis un matraque avec une bite d'éléphanto dans une fantôme au milieu de la night. Démoniaque, c'est l'insomniaque, je peux pas m'endormir. Dans une chape, en manque d'affection et d'action. La délinquance a du charme, je vais pas cracher dans la chorba. C'est la fin des haricots, c'est la fin de la loubia. Mais ce sera jamais la fin de mes parigots. Mange ma bougna bourrico, les jeunes ont tendance à mourir tôt. Si tu les douilles, évite de brailler. Tu mérites une rafale de balles sur mon rito. Hijo de la puta, je resserre l'hijo de la puta. J'observe à chaque fois que les taux se resserrent que les poquitos. Se resserrent, demande aux frères lumière, des années lumière, d'écart entre les frères. Asiatique, blanc, arabe, noir et fier. Paris n'a pas d'odeur, mais le Qatar a du flair. Une grosse fissure au cœur lorsque l'arnaque a mangé du ferme. Yeah, yeah, yeah, même si, si, si, yeah, production. Triangle d'or, dans le squat, dans le squat. Dans le squat. Peter Coppolos fait la passe. Belle Kalah nous fait la passe. Dino Lico sort le famas. Le pot d'échappement qui sort du Kamas. Un, un. ADK, si, si. Un. Le buteur Coppolos fait la passe. Belle Kalah nous fait la passe. Gino Lico sort le famas et le pot d'échappement sort du Kamas. Mets-toi position anal. A terre. Ils te l'ont mis chez que t'as mal. Suceur. Hake Ben Desonic et te prennent le 635 après pour que se faire un mal. Paris, ça marche. Dans tous les jazz depuis longtemps, c'est pour cela que cette glace est dans ma chair. Montrez-moi les gros chèques et les montants, à que truc pas cher. Le style est nickel, j'serai pas là ce week-end. J'serai pas là ce week-end. Prends-toi la merde comme la marine. La repu africaine dans ta narine. Si, si, si. Aïe, aïe, aïe. C'est barbarie. Instinct animal. C'est barbare. Aïe, aïe, aïe. Jackie, et c'est dans le rap qu'on y pense grave. C'est dans le rap qu'on y pense grave. On y pense grave. Vas-y, remballe gros, t'es pas rentable. C'est dans la S que t'es pas rentable. C'est dans la S que t'es pas rentable. Sonne la case. Pour tous nos barbares. Aïe aïe aïe. Comment case? Ouais, Jackie. Change de prod, Jack. Change de prod, change de prod. Vas-y, change de prod, on est dans les temps. Mon gars, pisse pas, brise squat, pisse pas, brise squat, pisse pas, brise squat. Yeah! C'est les mots. Aïe aïe aïe! Je suis à Skyrock. Je fume un blunt. Ok, ok, ok. Wesh S, toujours dans le bendo, agro, toujours dans le ghetto. Si le peur marche pas, j'investis dans le bendo. Ah ah, accélération, crochet petit pont à la Eto. Centre de missiles de la part de LESO. Hey, SO, tu veux même pas te retourner, savoir qui te baisse. Oh là, j'ai ta mère la pute en texto. Elle me demande si dans mes pas je veux du pesto. Auto, la faute le veto. Si tu veux monter haut, si tu veux pas la part, mais le gâteau. Chaque jour je refais. La Jagra est mise au frais. Les supes me suivent, cette bitch me suce tout simplement parce que je lui plais. Négro, j'suis trop nerveux comme Joe Petit. Comme Joe Petit. Au comico, ces poulets te souhaitent bon appétit. Oui, oui, oui, oui. J'suis dans la zine cuite, je taffe le crack. Je taffe, je taffe, je taffe. Pendant que ta bitch, elle dit sur la bouteille de Jack. Bouteille, bouteille, bouteille. J'ai les couilles vides, mais le chargeur est plein. Bang, 9 mini, 6,35 gros, il en reste un. Il en reste un. Des fois, j'me sape, en Philippe plein. Des fois, j'me sape. Louis V, Gucci, ma garde-robe est plein. Si j'ma retraite. Tout ta clique en retrait. Quand je te parle de billets verts, je plaque comme si tu fumais de l'amener. Si des pensées malsaines, demande à malsain. Si les gens nous soutiennent, Hein. Les allers-retours entre le bendo, les showcase et les ken. Ok. Vendu que Kraut, la CC. Laisse tomber si c'est trop demandé. C'est les drogues les mieux payées. Donc difficile de les renier. Hein. Case. Eh hey, gros. Paris. L'oseille, l'oseille. J'suis pas qu'à l'oseille. Moi. Nique sa mère le sommeil, je passe comme un peigne, vif et à jeun. Okay. Silencieux, pas trop bavard, sortez la taille, y'a mon gava. Okay. Soir ce, c'est la java. Rien à faire, j't'éclame ma jet. Au corner, y'a l'IS sans cachette. J'suis chez tonton à nager. Mais j'suis en mangeur du schéma, on l'achète. Okay. Ligue des barbaries, le feu dans tout Paris. Y'a Loris et Barry, solo, cation, Ferrari, CC. Bang bang. Aïe aïe aïe aïe. John Goss. On est dans les temps, tu sais déjà, Biko Majet, c'est le Jack, demande à Ice Lem C. Aïe aïe aïe, aïe. C'est quoi les boys, c'est quoi les boys? J'arrive dans le bas, j'arrive dans ta mère quand Bertrand Cantal. Nous se comprend, on le rend pas, compris, on chez tes rampas. Rampas, ouais mon pote dans mon gain, Jamie sans pas. Les gens placent une amoji, ouais comme le petit zinc sans pas. Aïe aïe aïe, un texte à l'ancienne, tu connais. Un texte à l'ancienne, tu connais. Vas-y, c'est quoi les boys, c'est quoi les boys? Mon gars, pis fort ça. C'était la session live à l'instant avec XV Barbar, avec Ice Lemsi. Yeah, yeah, yeah, c'est parti cette session là. Ouais, ouais, moi, ouais. Tu prends. Pour Paris, Oran, New York. Petit zouzou. Voilà, petite séance freestyle. Petite séance freestyle qui fait plaisir, merci à vous. Paris, Oran, New York. Voilà, petit freestyle sans prise de tête. Et puis on va rappeler 2-3 choses. Donc XV Barbar, évidemment, un projet qui arrive. Et Ice Lemsi a pas loupé 4 septembre. 4 septembre, l'ordre des rois. Vendredi 4 septembre, Biko. Oui, parce que les sorties maintenant, c'est le vendredi, je dis ça pour tout le monde. Voilà. Avant, c'était on attendait le lundi, mais c'est à partir là du 10 juillet, donc à partir de la semaine prochaine. Les sorties seront donc le vendredi pour tout le monde, et notamment donc pour la sortie de Ice MC le vendredi 4 septembre, à pas louper. Hashtag hors des rois. Hashtag hors des rois pour retrouver, avoir plus d'infos aussi. Merci à vous l'équipe, merci à Ice MC d'être passé. Merci, bah merci beaucoup. Bien vu Fred, bien vu DJ Kev. Yes. Comme d'habitude, on est Fred. On a fait ce qu'on a pu, on a instruit, on n'était pas prêts. Merci Kev. Non, y'a pas de problème. C'est le ramadan, les gens ils sont fatigués. Ah ouais mon frère. C'est les deux dernières heures. Ils nous mettent une bouteille. C'est quand Kev ce soir, 22h? En plus, ils nous mettent une bouteille devant nous. Ouais, c'est horrible. Ça je comprends. Aïe, ça va manger au grec à Batignolles ou quoi? Allez, on va faire là-bas, frère. Le meilleur grec de Paris là-bas. Lui, vas-y, on va lui faire. Exactement. Et allez regarder le documentaire sur le triangle d'or de Yard sur la chaîne de Yard. Il est dispo, vous le trouvez? Il est dispo depuis hier. Depuis hier, XV Barbar le docu. Ouais, le hack, voilà. Bendé. Bloca, bloca, bloca. Merci à vous tous. Juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette rapidement. C'est parti. Skyrock t'offre tes 4 entrées pour le parc Astérix. Avec Hector d'Auxerre. Salut Hector. Salut, ça va Fred? Ça va et toi, en pleine forme Hector? Bah super, super, c'est la chaleur. C'est les vacances pour toi? Et ouais, les vacances. Ça va, t'as eu des résultats? T'attendais des résultats de trucs? Non, pas de résultats, pas d'examen cette année. Tranquille, donc Hector, en toute simplicité, prêt à faire tourner la roulette, on y va. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Go! Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, Hector, c'est... Avec les passes pour le parc Astérix, 4 ouais, passes en tout Hector, c'est pour toi mon pote. On te souhaite une bonne soirée Hector. Yes. Super, merci. Ciao, ciao, passe merci une bonne soirée. Merci à toute l'équipe, merci à vous tous, tu voulais rajouter quelque chose? Voilà, on a passé une très bonne soirée. Ouais, Case, demain la dernière déjà. Yes, demain la dernière, l'album il est toujours. Paris, Oran, New York, Tizouzou mon frère, Béjaïa, Dakar, Bamako, toute l'Afrique, toute la France, toute l'Europe, tout le monde entier. Aïe aïe aïe, on supporte tout, des barbares. Si, si, si, premier album, il va arriver très sale, si de frais. Et bon, on attend ça, merci Luix V. Barbara, merci à Ice Lem C. Paris au rendez-vous, merci. Pas oublié. Isno d'être passé aussi, Isno 45G. Merci beaucoup. Il y a 45G, ouais, voilà. Et demain, donc, feu d'artifice pour la dernière? Bien sûr, ouais, demain, il y aura encore des invités, il y aura Diesel qui sera là, Ritza, il y aura Gizmo aussi qui sera là. Donc, et bah, à pas louper, demain, le retour entre 20 et 21. Merci à vous tous, D-Fool. Oui, toute l'équipe de la Radio Libre doit être là. Et oui, on arrive. Ça y est, c'est parti. Installé. Bref, jusqu'à minuit pour la Radio Libre. Merci Fredo. Merci de rien, Case, de rien. Pour cette soirée, puis demain, feu d'artifice. Donc on n'oublie pas vendredi. Ouais, exact, en direct, exact, exact, exact. Ouais. 20h, 21h. Comme d'hab sur Skyrock, le Planet Rap de DJ Case. Yes. Avec Fredo. Merci yes. Case. Avant Rail Suprême aussi dimanche soir. Oui, il y aura aussi Rail Suprême dimanche soir. Du lourd encore. Et puis tu viendras nous faire un petit coucou quand tu veux, hein, Case. Hein. Yes, avant, bah oui, avant les vacances. Hein. Ah oui, obligé. Obligé. Bon, je vous amène les petits gâteaux arabes là. Ah, très bien. Ouais, ramène-nous tes CD aussi, c'est bien. on tournera ensemble. Ouais, yes. On va ftar ensemble, ça, voilà, c'est ça, comme ça qu'on dit. Ftar ensemble. Voilà. Si vous voulez, bah, on mangera ensemble, on va faire on comme ça. Voilà. Merci à vous, merci Fred. Allez, merci. Demain, 20h, 21h, Planète Rap à pas louper. Puis dans un instant, ça démarre pour la Radio Libre. Vous pouvez nous appeler dès maintenant. Avec le problème du mois. Eh oui. C'est jeudi. Le problème du mois, ça va être très chaud ce soir. Hein. Ce soir, dès 21h, donc dans un instant, on se met la pub en speed. On démarre avec Florida et Going Down For Real. Rien. Et puis, exactement. Quel et puis là, c'est parti. Mais t'as vu ça un peu, Fred. Hein. C'est le Bronx. Ouais, c'est les restes du Bronx. C'est le Bronx. Allez, faites péter. Radio Libre jusqu'à minuit. Vous voulez faire les cons avec nous. Vous avez un truc à dire. Vous nous appelez, vous laissez vos messages. Et c'est parti tout de suite. Ciao, Fredo. Ciao, ciao, à demain. Salut, Case. Ciao. Les pires profs débarquent en Angleterre pour une.